rappelle à l'époque, y'a pas si longtemps. On traînait toujours tous ensemble, on la plaisantait tout le temps. Non, pas de devoir, s'il vous plaît, c'était pas pour moi. Plutôt traîner tard le soir, à croire que j'avais pas trop. Et mes parents à la fête, ouais, rangés par souci, mais ça me venait pas en tête qu'ils puissent m'attendre dans leur lit. Moi je ne pensais qu'à la fête, et pas que les samedis. Ici aujourd'hui en fait, je leur demande pardon pour ces vies. Quand t'es jeune comme ça, tu réalises rien. Pas de temps à perdre, les soucis, on les laisse, on verra demain. Et les amis, les amis, ça passe en premier. Les études, ça passe en dernier. Premier permis, bonne soirée. Partie de foot, pas bite, vacances à l'étranger. Faut reconnaître, faut reconnaître. On aurait pu être plus droit, faut reconnaître. Faut reconnaître. Des fois, on a fait n'importe quoi. D'ici tant que j'y suis, lise à vos enfants et vos parents aussi. Au quartier, ma famille, dont je suis loin aussi. À l'endroit où j'ai grandi, une dédicace aussi. À tous ceux qui sont partis. D'ici tant que j'y suis, lise à vos enfants et vos parents aussi. Au quartier, ma famille, dont je suis loin aussi. À l'endroit où j'ai grandi, une dédicace aussi. À tous ceux qui sont partis. Maintenant, quand j'y repense, on écoutait de la dance. Et on a changé de cap, passant par la New Jack. Pour certains c'était le bac et départ pour la fac. Pour mettre le BEP et rouler dans les allées, ouais. Ça fait regretter, mais le passé enterré. J'sais des leçons à en tirer, ouais. Ces heures de console et toutes ces parties de cartes, mmh. Les plans barbecue, tous ces matchs de foot, mmh. La nostalgie, maintenant je me dis qu'on était une famille unie. Du matin jusqu'à minuit, et des histoires, c'est vrai qu'il y en a eu certaines. Maintenant il faut oublier, en fait ça vaut pas la peine. Des souvenirs, gardons-en que des bons. Et corrigeons en nous tous ces vilains garçons, ouais. Je veux des sourires et que vous montiez le son. Cette musique elle est pour vous, ceux qui se reconnaîtront. D'ici tant que j'y suis, lise à vos enfants et vos parents aussi. Au quartier et ma famille dont je suis loin aussi. À l'endroit où j'ai grandi, une dédicace aussi. À tous ceux qui sont partis. D'ici tant que j'y suis, lise à vos enfants et vos parents aussi. Au quartier et ma famille dont je suis loin aussi. À l'endroit où j'ai grandi, une dédicace aussi. À tous ceux qui sont partis. Au bout du compte, ouais, c'est quoi? Petit à petit on s'est tous séparés, et des mois passant qu'on se voit. Certains mariés, d'autres ont eu des gosses. La plupart diplômés et sont peut-être devenus boss. Mais ce qui compte en fait, même si on se voit pas, c'est qu'on se voit sur internet et que chacun suit sa voie, ouais. Mais faut admettre qu'on est tous dans le même cas, ouais. On va prendre contact, mais on ne s'oublie pas. Non, quand on était jeune, est-ce que c'était vraiment mieux? Non, je crois pas. Ça veut dire quoi? Que maintenant on est vieux. Ah ouais. On avait moins d'obligations, certes c'est vrai. On était toujours tous ensemble aussi, ok. Mais rester enfant pour tout le temps, c'est impossible. Je peux pas changer et être les mêmes entre nous, ça c'est possible. Et si on s'arrête et on pense, quoi qu'on y fasse, les liens entre les amis d'enfance, personne ne les efface. Lise à vos enfants et vos parents.